prochain jour de Pearl Harbor. Tout le monde croira que c'est la fin. C'est faux, il restera toujours les 55 jours de Pékin. Les prochains jours de Pearl Harbor, on nous dira que c'est fini. Erreur, il restera toujours une autre Saint-Barthélemy. Il y aura encore une bataille, une vieille revanche sur le gagnant, pour faire qu'un soldat sans médaille soit le dernier des Mohicans. Les prochains jours de Pearl Harbor, tout le monde croira qu'on en est loin, comme le croyait depuis toujours l'état-major américain. Il y aura d'autres funérailles, un nouveau chant des partisans, un vieux pont sur la rivière Poil, un allumé dans les Balkans. Les prochains jours de Pearl Harbor, on nous dira que c'est la fin. La dernière heure, le dernier jour, alors silence et puis plus rien. Les prochains jours de Pearl Harbor, dans un décor